Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de science Futur Simple. Le printemps est arrivé et les jardiniers se préparent sans doute à faire leurs semis ou leurs plantations. Alors Samuel et moi, nous avons concocté une émission spéciale agriculture urbaine et sol. On commence avec l'agriculture urbaine, de plus en plus présente dans nos villes. Les jardins communautaires et les espaces publics se transforment pour le plaisir de nos yeux. Et le terme est sur toutes les bouches, agriculture urbaine. Mais est-ce que c'est un phénomène nouveau, Samuel, agriculture urbaine? Oui, tout à fait. On a l'impression parfois que agriculture urbaine est un phénomène récent, à la mode, branché, un passe-temps de quelques hipsters du plateau Mont-Royal, ouais. En mal de verdure, qui cherchent quelque chose à faire entre deux cours en Sciences Po à l'UQAM. À quoi de mieux qu'un selfie, un égo-portrait devant son plan de kale, avec un filtre Instagram. N'est-ce pas? Mais non, pas tout à fait. En fait, je blague, là, parce que l'agriculture urbaine, c'est très ancien. L'histoire est très longue. On retrace les premiers signes de l'agriculture urbaine en Mésopotamie, en 3500 avant notre ère. Ah oui? Oui, quand même. Tu as peut-être déjà entendu parler des jardins suspendus de Babylone. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une légende, je ne sais pas. Non, c'est ça. C'est une des sept merveilles du monde antique, là, selon la légende. Ça aurait été construit en Mésopotamie par Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui voulait plaire à son épouse et qui s'ennuyait là, supposément de sa terre natale verdoyante et montagneuse. Mm-hmm. Donc... c'est quoi les jardins suspendus? Bon, c'était des terrasses superposées une par-dessus l'autre avec des murs en briques, là. Il y avait mis des couches d'argile puis pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Puis ils remplissaient ça de terre pour faire pousser des plants, des arbres fruitiers, un genre de petit jardin d'Éden, là. Mm-hmm. Donc, malheureusement, bon, il n'y a pas vraiment de preuves archéologiques très solides, là, sur le fait que ça allait y exister, mais... ça dénote quand même, si on en entend parler jusqu'à maintenant, ben ouais. Ça dénote quand même que c'est quelque chose qui était dans la tête des gens, là, d'avoir des jardins comme ça dans les cités. Bon, si on fait un petit bond d'une centaine d'années jusqu'au Moyen Âge. Quelques centaines d'années, tout à fait. Ben là, on a beaucoup plus de preuves archéologiques. À cette époque, au Moyen Âge, les jardins des villes étaient souvent associés aux monastères, aux institutions religieuses. Les jardins étaient utilisés pour cultiver des herbes médicinales, des légumes, pour les moines et les habitants locaux. On voit aussi dans de nombreux châteaux en Europe l'apparition de jardins potagers, de vergers, de vignobles à l'intérieur même des murs et des remparts des villes. Au 19e siècle, la révolution industrielle, là, on fait encore un petit bond, ouais, dans le temps, a entraîné une forte urbanisation, ce qui a entraîné une augmentation de la demande en produits alimentaires pour les villes. Les jardins communautaires ont commencé à se développer pour répondre à ce besoin, en fait. Puis, au début du 20e siècle, les jardins communautaires sont devenus une partie importante de l'effort de guerre. Donc, bon, la Première puis la Seconde Guerre mondiale, les fameux jardins de la victoire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. OK. Ben, c'est quelque chose, même ici au Québec, ça existait, les jardins de la victoire, beaucoup en Europe, en France. L'idée de base derrière ça, dans le fond, c'est assez simple. Plus les Canadiens là font pousser des légumes dans leur cour avant ou sur un terrain vague, plus ils vont pouvoir acheminer de la nourriture aux soldats, des munitions aux alliés. Parce que dans le fond, c'est non seulement que les citoyens sont nourris, puis que, dans le fond, leur ration peut aller aux soldats, mais aussi ça libère surtout les wagons des trains, camions pour transporter les biens stratégiques, les munitions et tout ça. Un petit fait historique intéressant, les produits des Jardins de la Victoire faisaient partie d'une saine alimentation selon les nouvelles règles alimentaires officielles du Canada en 1942. Ah oui, déjà, donc, ouais. Ben, ce qu'on appelle là, le guide alimentaire canadien. Donc, on voit que c'est vraiment comme relié. Dans les années 60-70, l'agriculture urbaine, ben là, avec le Flower Power, j'imagine, bon, a eu un regain d'intérêt. En réponse à l'urbanisation, croissance, là, je pense que c'était comme la contre-culture, ce genre de choses-là. Puis aujourd'hui, la pandémie est arrivée en 2020. Ça a contribué à l'intérêt, au regain d'intérêt là, pour l'agriculture urbaine dans nombreuses parties du monde, dont ici au Québec. Là, je sais pas si vous avez Valérie, tu as essayé d'acheter des graines en 2000. Non, effectivement, c'était non, la rupture c'est, de c'est stock, sans rupture hein. de stock. Ouais, ouais. Là, c'était vraiment difficile. Les mesures de confinement et la distanciation sociale, dans le fond, ont poussé les gens là, à vouloir jardiner. Ouais. Puis aussi, ben, à cultiver leur propre nourriture, puis la pandémie a mis en évidence, dans le fond, la vulnérabilité du système alimentaire mondial, a montré que la production alimentaire locale pouvait être une solution pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience, dans le fond, des communautés. Mm-hmm. L'agriculture urbaine est donc devenue une alternative intéressante pour produire de la nourriture localement, de manière durable, en utilisant les espaces urbains tels que les toits, les balcons, les terrains vacants. C'est vrai, oui. Ouais. Dans le fond, nous allons revenir. Dans le fond, là, on peut voir tout de suite que, comment je peux dire, c'est vraiment étroitement lié les périodes de bouleversement puis d'insécurité mm-hmm. alimentaire avec l'agriculture urbaine. Souvent, là, on voit, bon, je vous ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. La Première aussi, puis là, de la COVID. Donc, on voit qu'il y a vraiment un lien, là. Puis, il faut se souvenir aussi des jardins ouvriers qui existaient en banlieue, un peu dans toutes les grandes villes. Donc, tout ça est vraiment intéressant, Samuel. Toutefois, je vois que tu parles de jardins de la Victoire, de jardins suspendus, de jardins potagers, de jardins sur les balcons, etc. Il y a tout un vocabulaire. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il s'agit toujours d'agriculture urbaine dans tous ces cas? Ou en fait, est-ce qu'on a une définition de l'agriculture urbaine? Oui, effectivement. Là, je pense qu'une définition s'impose. Là, c'est quand même assez vaste. Le MAPAC nous en donne une. Il définit de façon très générale l'agriculture urbaine comme étant celle qu'on pratique en milieu urbain. Bon. Je sais pas si ça nous avance à beaucoup de choses là. C'est un peu comme une tautologie, là, comme les enfants disent, une logique de toto. Mais en effet, je fais des blagues là. Mais quand on regarde la littérature, c'est assez dur dans le fond de trouver une définition là, très claire. Je dirais que l'agriculture urbaine, c'est cultiver des plantes, des légumes, des fruits, des herbes et ou élever des animaux, des insectes dans des espaces urbains ou périurbains, tels que des toits, des balcons, des jardins communautaires. Ça peut même être des fermes urbaines. Donc, si on voit, là, ça peut inclure même l'hydroponie, l'apiculture, la culture en serre, l'utilisation de compost ou de méthodes de gestion des déchets. Donc, c'est vraiment là plusieurs techniques. Ça peut prendre plusieurs formes, là. C'est un peu comme une espèce de nébuleuse, l'agriculture urbaine. Puis évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition-là. Comme le Resource Center on Urban Agriculture and Food Society écrit que l'agriculture urbaine n'est pas c'est pas seulement une question de localisation, mais selon eux, l'agriculture urbaine devrait réellement devient réellement urbaine, dans le fond, quand il y a une relation avec la ville puis ses habitants. OK. C'est pas juste, par exemple, des fermiers qui produiraient en ville, mais vraiment des urbains qui produiraient pour eux-mêmes un petit peu. Ouais, pour eux-mêmes, ou tu sais, qu'il y a vraiment comme une relation, un échange, si on veut. Certains auteurs vont même jusqu'à dire qu'il faudrait exclure l'agriculture industrielle. Ils soutiennent en effet que l'agriculture urbaine devrait occuper des petites tailles production alimentaire. Bon. Fait que là, on comprend que c'est assez compliqué. C'est peut-être pour ça, finalement, que le MAPAC sont allés avec quelque chose de très général. Exactement. Et alors, il doit quand même y avoir des avantages à l'agriculture urbaine. Outre le fait de se procurer soi-même sa tomate juteuse, goûteuse, il doit y avoir d'autres avantages. Oui, ben comme je vous ai mentionné là, avant, là, je disais qu'on allait y revenir. La COVID-19 là, a mis en lumière, dans le fond, les défis de sécurité alimentaire auxquels sont confrontées nombreuses communautés urbaines. La pandémie a perturbé la chaîne d'approvisionnement alimentaire, entraînant des pénuries alimentaires et des hausses de prix dans de nombreux endroits. En septembre 2022, Statistique Canada écrivait que la hausse des prix des aliments achetés en magasin était de 11,4%, ce qui n'est pas négligeable. En moyenne, les fruits frais coûtaient 10% de plus en avril 2022 qu'en avril 2021, je veux dire. Et les légumes frais coûtaient 8,2%. Quant aux graisses, là, on fera pas des jardins avec des huiles comestibles. Là, en tout cas, c'est plus rare là, que l'huile d'olive, les olives sont pas encore rendues, mais quand même, juste pour donner une idée là, à quel point ça a augmenté, une hausse record pour les huiles comestibles de 30%. Ouais, c'est vraiment beaucoup. D'ailleurs, ils ont annoncé là, qu'ils avaient fait des profits. Peut-être des fois aussi, la pandémie avait le dos large un petit peu, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ajoutant à cela, 2 millions d'emplois qui ont été perdus au Canada, faisant bondir le taux de chômage à 13%, en rendant l'accès à l'alimentation saine et abordable encore plus difficile pour les familles touchées. L'insécurité alimentaire touche près d'un million de Québécois, soit 13,1% de la population québécoise. C'est pas négligeable aussi. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Puis c'est une étude là, de l'Université de Toronto qui disait ça. Puis en Alberta, pourtant c'est un endroit qui sont assez riches là avec le pétrole, c'est 20%. Donc Le pétrole fait pas tout. Non, c'est ça exactement. Dans ce contexte, on conçoit facilement que l'agriculture urbaine peut jouer un rôle important pour la lutte à l'insécurité alimentaire et en fournissant un approvisionnement local et durable pour les communautés urbaines. Les jardins communautaires, les fermes urbaines, les projets d'agriculture urbaine peuvent fournir des légumes, des fruits et d'autres produits frais et locaux pour répondre aux besoins des communautés. De plus, l'agriculture urbaine peut renforcer la résilience alimentaire en réduisant la dépendance aux chaînes d'approvisionnement longues là, et tout. Donc, on est beaucoup plus dans l'agriculture, je dirais, locale. Et alors, tu fais référence aussi au concept d'autonomie alimentaire. Est-ce que tu nous préciser ce qu'on entend par là? Oui, tout à fait. Autonomie alimentaire, insécurité alimentaire. Bon, c'est quoi tous ces termes-là? Oui, c'est ça. C'est un concept là qui est né ou du moins qui a été popularisé dans les médias québécois par notre premier ministre François Legault en 2021. Toujours dans le contexte de la pandémie. Donc, vraiment, c'est un moment tournant, là. Cette idée reprenait en partie la définition de la souveraineté alimentaire qui stipule le droit des peuples à définir leur propre système alimentaire et agricole, en opposition à un système industriel et mondialisé. En gros, l'autonomie alimentaire, c'est la capacité d'une communauté à produire suffisamment de nourriture de qualité pour répondre à ses besoins alimentaires sans dépendre excessivement des ressources extérieures. Évidemment, l'agriculture urbaine s'inscrit facilement dans ce concept puisque tous les produits sont locaux. Voilà. Et du coup, là, tu parles de production locale, j'imagine que ça doit justement être bon pour l'empreinte carbone, cette production locale. Oui, là, tout à fait. Hein, nos petits potagers, on est proche. Quand on va chercher une tomate, on a juste la porte à ouvrir pour aller le cueillir. Pas beaucoup de transport. Non, pas beaucoup de transport. Non seulement l'agriculture urbaine permet de réduire l'empreinte carbone associée au transport en produisant des aliments locaux, comme je disais. Mais en plus, ça séquestre du carbone, dans le fond, faire de l'agriculture. Puis là, on parle de compostage. Et le compostage, en fait, étant donné qu'on composte proche de chez nous, souvent quand on a un jardin, donc on séquestre ici, au lieu que ça se retrouve dans le fond. On n'a pas besoin de mettre ça dans un camion qui va emmener ça ou dans un... Dans un dépotoir ou quelque chose, dans le fond... Ou dans un site de compostage. Exactement, industriel. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment très local, la boucle locale la plus locale possible. Tout à fait. Puis aussi, faut penser qu'il y a des gaz là, comme le méthane, là, je pense que c'est 20 fois plus que le CO2. Donc, beaucoup de produits alimentaires qui sont mis dans les dépotoirs, dans le fond, vont faire du méthane, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Si on a un bon compost, un bon système, vont faire moins de méthane. Donc, ces produits vont être moins intenses. La teneur en matière organique de notre sol en faisant pousser nos plantes dans le fond sur notre compost, on permet dans le fond de séquestrer du carbone. Tous les arbres fruitiers, tous les arbres, c'est toutes des choses qui vont venir séquestrer du carbone de l'atmosphère. Mm-hmm. Oui, puis même en fait, quand les plantes dépérissent sur place, là, cette matière organique se décompose et imprègne le sol et ça va enrichir le sol en matière organique. Oui, c'est ça. C'est comme dans le fond, là, c'est un peu. C'est une boucle parfaite, là, d'une certaine façon. Donc, moins de carbone et un sol plus riche pour planter nos prochaines tomates de l'année prochaine. Donc, finalement, l'agriculture urbaine, c'est un bon moyen pour lutter contre les changements climatiques. Qu'en est-il du côté de la sauvegarde de la biodiversité? Ben, l'effet de l'agriculture urbaine sur la biodiversité dépend en grande partie de la façon dont elle est pratiquée. Donc, c'est pas si clair que ça. Si elle est mise en place d'une façon réfléchie avec une attention particulière portée sur la préservation de la biodiversité locale, elle peut favoriser l'augmentation de la biodiversité dans la zone urbaine. Les jardins communautaires, les toits verts, par exemple, peuvent fournir un habitat pour les pollinisateurs, les oiseaux, les petits mammifères, les insectes bénéfiques tels que les coccinelles là, ou les abeilles là, pour prendre des insectes que les gens aiment bien. L'agriculture urbaine aussi peut jouer un rôle important dans la création de maintien de corridors écologiques. Donc, je ne sais pas si les auditeurs connaissent les corridors écologiques. Bon, c'est par exemple... des animaux qui veulent se déplacer d'un endroit à l'autre, par exemple une abeille, ou ça va leur faire des points où c'est qu'ils peuvent aller se réfugier au lieu de traverser des grands déserts où c'est qu'il y a absolument rien. C'est ça. Cependant, l'agriculture urbaine, c'est pratiquée de manière intensive avec l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides. Elle peut avoir un effet négatif, là. C'est pas parce que c'est urbain que c'est nécessairement parfait, là. De la même façon que tout à l'heure, on parlait du carbone puis de l'effet des changements climatiques, c'est sûr que si on fait beaucoup de notre impact va être beaucoup plus sur ce qu'on mange. Si on va manger plus des plantes que des produits animaux, au niveau des changements climatiques. D'accord. On parle effectivement, comme tu sais, si on fait de l'agriculture intensive en ville avec de la monoculture pour la biodiversité, on n'a pas gagné. Oui, c'est ça, exactement. Un peu comme le gazon qui est une monoculture. Oui, tout à fait. On parle beaucoup d'une intensification des événements météorologiques extrêmes avec les changements climatiques. Est-ce que le petit potager qu'on a au fond de notre cour, est-ce qu'il peut quand même avoir un effet positif? Oui, des fois, on a l'impression qu'on fait un petit geste et que c'est pas grand-chose. Mais certainement... Il y a quand même plusieurs études là qui... Puis quand on y va, juste avec le principe aussi, l'agriculture urbaine peut aider vraiment à atténuer les effets des événements météorologiques extrêmes. Pardon. Par exemple, les inondations, là, le sol des jardins urbains sont généralement plus perméables que les surfaces là, comme le béton, l'asphalte, qui prédominent souvent dans les zones urbaines. Lorsque la pluie tombe, le sol perméable, l'eau va rentrer, puis il va même avoir jusqu'à une certaine filtration là, qui va se faire de cette eau-là avant que ça ruisselle jusque dans l'égout. Donc, moins de gros coups d'eau parce que la pluie va... localement va entrer dans le sol. Plus les jardins urbains peuvent être conçus là, comme je disais, pour jouer ce rôle-là, pour aller chercher. Puis il y a toujours le côté de filtration des eaux. Donc les plantes ont cette capacité-là avec leurs racines vraiment d'aller enlever les toxines là, de l'air, tous les produits, etc. Enfin, les jardins urbains peuvent contribuer à la réduction de l'érosion des sols en retenant l'eau de pluie et en réduisant le ruissellement sur les pentes. Là. C'est un peu comme je dis, évidemment, s'il est rentré dans le sol, il va moins comme couler en surface comme sur le bord des rives, et etc. Donc, ça protège les sols et ça préserve la fertilité. Donc, c'est vraiment une pierre deux coups. Donc, on préserve notre fertilité. Et on érode moins notre sol. Oui, je comprends. Ça fait éponge, finalement. Exactement, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et qu'en est-il des épisodes de chaleur extrême? Est-ce que ça a un effet? Oui, bien, encore là, je suis un jardinier, hein, donc... non, j'ai quand même fait mes recherches, je le dirais, s'il y avait des côtés plus négatifs, mais oui, effectivement, l'agriculture urbaine peut jouer un rôle important dans surtout les effets de chaleur extrême, la réduction de ces fameux îlots de chaleur, là. Les plantes vont absorber l'énergie solaire, bon, ils vont faire de l'ombre, vont libérer de la vapeur d'eau par le biais de la transpiration, là, les plantes. Cette évaporation va permettre de rafraîchir l'air ambiant et de réduire la température localement. Par conséquent, la température va diminuer significativement là, au lieu de s'élever en raison, justement, comme je disais tout à l'heure, là, du ciment, de la brique qui peuvent être autour. En plus, les potagers... et les autres infrastructures vertes servent à filtrer l'air. Tantôt, je parlais de filtrer l'eau. Bon, ben aussi, ça filtre l'air. Donc, les plantes absorbent le dioxyde de carbone, les polluants atmosphériques et libèrent de l'oxygène. Ça réduit la pollution atmosphérique. Là, il y a des études qui sont claires là-dessus. Si on est plus proche d'une autoroute ou d'un endroit bétonné, plus de polluants dans l'air, plus qu'on est proche de la forêt... ou d'un parc, ouais. Ou si on met des arbres en ville. Exactement. Puis toutes les plantes, dans le fond, ont cet effet-là. Les espaces verts aussi peuvent offrir un refuge contre la chaleur pour les résidents locaux, en particulier les personnes âgées, les enfants, les personnes vulnérables qui habitent souvent dans des bâtiments vieillissants, mal ventilés. En effet, là, moi je trouve que c'est vraiment ça qui est chouette là, pour là maintenant j'ai un jardin à la maison, mais j'ai été longtemps avec un jardin communautaire, puis vraiment ce que je trouve intéressant, c'est les jardins communautaires, c'est vraiment, ça permet aux gens de différentes origines culturelles, socio-économiques, ethniques, de se rencontrer, de partager des connaissances. Il y a un effet social aussi. Oui, ouais, exactement, ouais. Tout à fait. Dans une étude là, dans le journal of Community Health, les auteurs concluaient que les jardins communautaires favorisaient la cohésion communautaire. En offrant un espace où les membres de la communauté peuvent se rassembler, travailler ensemble et échanger leurs idées. Les interactions peuvent aider à briser les barrières sociales et culturelles et à renforcer les liens entre les membres. De plus, la participation des projets communs, tels que l'entretien du jardin, peut aider à développer un sentiment de responsabilité et d'appartenance envers la communauté. Exactement. Effectivement, il n'y a rien de mieux que de jaser en jouant dans la terre ou en croquant une tomate cerise. Mais donc, est-ce que l'agriculture urbaine a d'autres avantages sociaux? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des jardins pédagogiques. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, c'est ça. Il s'agit de jardins là, conçus pour enseigner et pour l'apprentissage généralement situés dans les écoles ou les centres communautaires. Les enfants peuvent ainsi se familiariser avec la nature, apprendre à planter, cultiver et récolter leurs propres légumes, ainsi qu'à prendre soin de l'environnement. Les bénéfices là, d'avoir des jardins pédagogiques, c'est notamment l'apprentissage, comme je disais, la responsabilité et l'autonomie. Dans le fond, c'est les fameux Montessori de ce monde et tout, là, souvent, ouais. ça prend racine un peu dans ça. Là, aussi, on a des écoles en plein air et tout. De plus, les jardins pédagogiques favorisent l'interaction sociale et la cohésion communautaire, là, un peu comme je disais plus tôt, en permettant aux enfants de travailler en groupe et de partager leurs connaissances, leurs expériences avec tous les membres de la communauté. Un dernier point aussi là, que j'aimerais mentionner, souvent que Ben, on met ça de côté, surtout quand on est ancien. Je trouve là des fois la beauté des choses, je sais pas, on y pense un peu moins. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est que c'est beau, c'est agréable à jardiner. Le soleil rayonne, les oiseaux gazouillent, les bourgeons éclatent, le printemps est à nos portes, il apporte l'espoir, le renouveau. Mais parfois quand on est en ville, ben c'est un peu gris, tu sais. Ça dépend des endroits là, évidemment, là je veux pas généraliser. C'est un peu gris. Puis, tu sais, les espaces sont comptés, la nature est souvent vacillante. Les jardins potagers, les jardins communautaires, ben, c'est souvent des petites oasis de verdure qui nous rappellent la force et la vitalité de la nature. Alors, en terminant, c'est quasiment un éditorial. Alors, allez-y, prenez d'assaut les toits, les balcons, les jardins communautaires, les espaces publics et jardinez pour le plaisir d'essence. Puis c'est toujours le fun d'aller voir, est-ce que les petites fleurs, des haricots, des tomates, est-ce que ça fleurit? Est-ce qu'il y a une petite tomate qui se forme? Est-ce qu'elle rougit? C'est tout à toujours fait. Ouais, vraiment. Assez intéressant, ça donne de la vie, tout ça. Ben, merci beaucoup, Samuel, pour cette chronique sur l'agriculture urbaine.